Le feu, la guerre, la fin déserte. Tempête d'enfer, ça bat sur terre. Depuis l'Afrique jusqu'en Asie, tous réunis, tous réunis pour faire naufrage en Occident. Cité d'asile. Des noirs, des noirs, des beurs, des beurs, hommes de couleur. Ça flue en masse sur cette terre. Ah ouais. Où tous les hommes sont incolores et ta couleur est comme une tache que les années n'effacent pas, n'effacent pas. Non, non. Qui que tu, qui que tu sois, où que tu ailles, où que tu ailles, cache pas ta peau, cache pas ton cœur, aime ta couleur, ton vrai drapeau, même si au fond tu te rallies, tu peins, tu chantes. Les trois couleurs, les trois couleurs. La peur t'oublie, la mort s'enfuit. Ah ouais. Au grand merci, enfin tu vis. Saisis ta chance et croque la vie avec ton cœur. Avec ton cœur. Avec tes tripes. Avec tes tripes. Dans de couleurs. Homme d'honneur. Généreux n'est pas un luxe. Yeah. Sur scène de terre où la survie est chose facile, garde ta fierté pour pas mendier, pour pas voler, mais pour te battre et pour gagner, et pour gagner. Yeah. Qui que tu, qui que tu sois, où que tu ailles, où que tu ailles, cache pas ta peau, cache pas ton cœur, aime ta couleur, ton vrai drapeau, ouais. Même si au fond tu te rallies, tes peurs tu chantes. Les trois couleurs, les trois couleurs, les trois. Les trois couleurs.